16-27, activation orale, en profitez pour. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Il fait beau. Robert va se promener. Et vous dites. Il en profite pour aller se promener. Allons-y. 2. Il fait beau. Mireille fait du bateau. Elle en profite pour faire du bateau. 3. Il fait mauvais. Il va au cinéma. Ils en profitent pour aller au cinéma. 4. Il fait mauvais. Je travaille. J'en profite pour travailler. 5. Il y a de la neige. Mireille lit Tolstoï. Elle en profite pour lire Tolstoï.